quelques milliards d'années pour un retour en arrière. Écrivain arriéré depuis que l'homme est sur terre. Il était une fois un morceau de chair qui pour conquérir le monde, petit homme partisan de guerre. D'un geste habile, Abel devient victime par le meurtre de son frère. Qu'Abel instaure le crime. Ce furent les premiers pas sur terre des criminels. Trahison fraternelle, une femme au centre des querelles. Et le règne de l'homme suivit son cours, priant son seigneur, celui qui lui fit voir le jour. Accumulant les erreurs et les défaites, espérant trouver son coin de paradis par les conquêtes. Alors petit homme sortit son épée de son fourreau et commença à découper toutes les têtes qui se dressa devant lui. Les mauvais comme les gentils, les colosses comme les petits. Pas histoire, antiquité, Moyen-Âge et Renaissance. Une histoire sans équité obtient la rage à la naissance. Avertissement de la part des messagers à qui on tourne le dos et qui nous laisse présager une guerre avant une autre et un mort après l'autre. Un empire, un continent et une race contre une autre. Récit imaginaire, mythologie du Minotaure. Hercule contre Centaure, Achille contre Hector. Comme les responsables n'y sont qu'à moitié. Musulmans contre croisés, Jérusalem et Poitiers. David contre Goliath et Moussa contre Pharaon. Tous devront rendre compte quand sonnera le clairon. Et l'existence aura pris fin. Renaîtra de sa poussière de défunt. Un jugement qui se déroule sans injustice, regroupant l'humanité, les dos chargés de bêtises. Mais bien avant, petit homme aura pris le temps de combattre son frère et de verser le sang. D'innocents, de coupables présumés, d'instaurer un bordel pas possible en résumé. César, Attila, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Napoléon et Guillaume le Conquérant. Le pouvoir ne fait que changer de prénom. Les méthodes restent les mêmes de succession en succession. Couronné par le peuple autoproclamé, le bourreau par la victime se voit acclamé, réclamé le prix d'une liberté promise, en espérant un jour regagner la terre promise. Moudjahidine, samouraï ou prétorien, mercenaires, légionnaires, soldats de plomb qui ne craint rien. Général, caporal, sous-officier, depuis le fond de nos entrailles à la guerre nous sommes initiés. Et si le monde d'aujourd'hui a changé, nous explique les génocides et leur sens caché. Qu'on nous explique les conflits qui se prolongent. Le 21e siècle est bien parti dans son allonge. Explique les bouteilles de gaz, l'invention des chambres à gaz, les furtifs hélicoptères qui coupent les ailes de Pégase. Le crime est dans nos têtes, enfoui dans nos mémoires. Il suffit de rien pour que le monde replonge dans le noir. Guerre offensive, défensive, guerre mondiale. Guerre des nerfs, nucléaire, guerre coloniale. Guerre des étoiles, guerre du feu, guerre diplomatique. Guerre des mondes et guerre bactériologique. Guerre froide et guerre de résistance. Guerre civile, guerre de 100 ans, guerre d'indépendance. Croix de guerre, chemin de croix et croix de fer. Crime de guerre, cri d'enfer auquel je crois dur comme fer. L'important c'est de participer. Moi je crois bien n'avoir jamais joué à la paix. Une marguerite sur nos fusils à pompe. On déteste les armes et les fabrique en grand nombre. C'est l'industrie de l'armement, une manière comme une autre de se faire de l'argent. AK-47 et pistolet mitrailleur, Kalachnikov et missile Stinger. Missile roquette, Al-Samoud et Tomahawk. Des armes de destruction massive qui nous choquent uniquement quand elles appartiennent aux autres. Après l'enquête, en fin de compte, ce sont les nôtres. Et on commence depuis le commencement, soumission, désobéissance au grand commandement. On abandonne notre poste de vertu, moralité d'acier, un vêtement dévêtu. Aucune pudeur, aucune remise en question, aucun regret, aucune larme, aucune demande de pardon. Aucun combat exercé de l'intérieur, aucune leçon tirée de toutes les erreurs antérieures. On est en vie, on meurt, entre deux on s'entretue. On se pardonne, on se trahit, le cycle se perpétue. On se délivre, on se libère pour finalement enchaîner par endosser d'autres chaînes machinalement. Et moi je chante contre vents et marées. Écoute ma chronologie pour les contrecarrer. Ceux qui choisissent la solution militaire n'ont-ils pas vu qu'elle nous dessert beaucoup plus qu'elle nous sert. Reçois mes références, mon listing, ma rédaction. Reçois mon bilan historique et ses acteurs sans rédemption. Étudier reste la seule solution pour les blancs, les noirs, les gens issus de l'immigration. Ma richesse est culturelle, mon combat est éternel. C'est celui de l'intérieur contre mon mauvais moi-même. Mais pour le moment, les temps resteront durs. Et pour le dire, une centaine de mesures. Jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad.